Alors bonjour à tous, Jean-Robin journaliste. Voilà, je fais des vidéos sur la Chine communiste, son infiltration dans l'oligarchie française et les institutions internationales, son déclenchement de la Troisième Guerre mondiale par une attaque biologique et ses conséquences. Et de temps en temps, je fais des vidéos publiques, parce que d'habitude, je fais des vidéos réservées aux souscripteurs. J'en suis à 240 vidéos de 45 minutes en moyenne, qui permet de monter en compétence sur la Chine communiste, sous tous les aspects, il y en a énormément. Et de temps en temps, pour casser un peu la censure dont je suis l'objet, puisqu'on apprend même aujourd'hui que YouTube en fait a recruté beaucoup d'agents communistes, voilà, donc ce qui n'est pas un secret ni une surprise, puisque Google avait participé à la construction de la Grande Muraille numérique de Chine, qui empêche les Chinois d'aller voir l'information en dehors de Chine. Bref. Donc comme je suis l'objet d'une censure, eh bien, je suis invité dans aucun grand média, à part voilà, chez mon ami André Berkoff, mais c'est à peu près tout. Et donc, je fais des vidéos publiques sur des gens que j'appelle membres de l'opposition contrôlée, parce qu'ils ont un discours en apparence opposé au pouvoir, mais en fait, ils le rejoignent, et notamment dans leur collaboration avec le Parti communiste chinois, ce qui ne trompe pas. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Kémy Séba, voilà, parce que c'est quelqu'un qui est assez influent auprès des Africains en Afrique, mais aussi en France. Et donc, il a un discours que je vais décrypter. Alors je vais commencer par lire un extrait de sa fiche Wikipédia, non pas que je valorise les fiches Wikipédia, puisque la mienne est une horreur. Je suis un conspirationniste, extrême droite, etc. Là, sur Kémy Séba, c'est assez objectif, me semble-t-il. Alors, vous allez voir. Donc, Kémy Séba, de son vrai nom, Stelio Gilbert Robert Capochichi, donc on comprend pourquoi il a changé de nom, né le 9 décembre 1981 à Strasbourg, est un activiste anticolonialiste. Donc ça, déjà, anticolonialiste, on sait que c'est la gauche et l'extrême-gauche, hein, dès le départ. Chroniqueur politique de télévision en Afrique. Chef d'entreprise et essayiste franco-béninois, il est une figure du radicalisme noir et du panafricanisme contemporain. Donc moi, il me semblait que quand on était anticolonialiste, déjà, on ne parlait pas la langue du colon. Donc, Kémy Séba prétend que la France colonise toujours en douce l'Afrique, mais il parle la langue du colon. Donc ça, c'est assez savoureux. Alors, je sais pas. Alors, initialement membre francophone de Nation of Islam, hein, Kémy Séba se fait d'abord connaître en France en tant que fondateur ou porte-parole de plusieurs organisations, notamment Tribuca et Génération Kémy Séba, toutes deux dissoutes par décret pour incitation à la haine raciale. Donc ce monsieur a eu une publicité absolument gigantesque qui a été faite de ses activités par les grands médias et les politiques, comme Soral et Dieudonné. Donc là, on est vraiment dans l'opposition contrôlée, hein. Moi, les médias n'ont jamais parlé de moi. Même quand j'avais été sur le plateau de Canal+, pour dire que Didier Deschamps était dopé, ce qui a fait l'objet d'articles dans 80 médias différents, pour une audience cumulée d'à peu près 10 millions de vues, mais mon nom n'a jamais été nommé, n'a jamais été cité. Voilà, c'est ça la différence, c'est que Kémy Séba, vous trouverez son nom partout, depuis 15 ans, et le mien nulle part. Alors, donc, toutes deux dissoutes par décret, se présentant comme anti-impérialiste et anti-sioniste, voilà, donc ça c'est tellement classique en France. Il est considéré par de nombreux journalistes et politologues français et étrangers comme un militant raciste anti-blanc. Oui, je dis anti-sioniste, c'est classique, parce que vous aviez par exemple un président de la République, hein, Jacques Chirac, qui était le grand ami d'Arafat. Donc c'est vraiment pas la dissidence. Eh bien, elle se nomme ainsi pour faire oublier qu'elle fait partie du pouvoir, en fait. Au niveau idéologique, c'est la même chose. Et donc, il est considéré comme un militant raciste, anti-blanc, bon, ça, je sais pas trop, anti-blanc, racialiste, ça, c'est sûr, parce qu'il met le noir il réfléchit de manière raciale, ça, c'est sûr. Antisémite, bon, c'est un mot un peu galvaudé, mais moi, j'ai pu le constater directement, donc pas vis-à-vis de moi, mais je vous raconterai une petite anecdote, ainsi qu'un adepte de l'action violente dans les années 2000. Il est également considéré comme un suprémaciste noir. Alors, l'anecdote, c'est qu'en 2009, bon, j'ai déjà raconté ça ailleurs, mais là, c'est sa vidéo, donc voilà. J'étais dans le théâtre de la Main d'Or, non pas sur la scène, mais dans la salle, puisque j'avais proposé un débat à Alain Soral lors de sa campagne là, anti-sioniste et la campagne pour les européennes. Il avait accepté, et puis il s'était rétracté sans aucune raison. Donc moi, j'étais allé dans son théâtre tout seul pour poser une question du public, puisque c'était une conférence de presse, et il y avait là Dieudonné, Kémy Séba, donc et Alain Soral. Et donc j'ai levé la main pendant les questions, mais évidemment on n'a jamais pris ma question, et après je suis sorti pour aller demander à Alain Soral en personne pourquoi il avait refusé le débat avec moi, et j'ai failli être lynché, puisqu'évidemment je n'étais pas entre amis. Mais il y a quand même justement un des gardes du corps d'Alain Soral, qui était un grand noir justement, qui a pris ma défense en disant « Non, non, c'est Jean Robin, il a écrit la Judéomanie, il ne faut pas s'en prendre à lui. » Voilà. Bon. Et donc, pendant cette conférence, Kémy Séba a pris la parole, et comme il le faisait à l'époque, donc il avait sa tribu K, là, et il commençait toujours sa prise de parole en disant « Hotep, mes frères !» Et alors, tous les gens qui étaient dans le théâtre de la Main d'Or et qui faisait partie de la tribu K, criaient « Hotep !» comme ça. Et comme ils étaient, je sais pas, une cinquantaine, et que ce sont des grands gaillards, eh bien, ça a fait trembler le théâtre, et moi, je me suis senti en Afrique dictatoriale, si vous voulez. Ça fait très bizarre, hein. Bref, alors, bon, il a quelques côtés positifs, donc je vais en parler, d'après moi, hein. Donc c'est son principal côté positif, c'est qu'il est reparti en Afrique, hein. Ça, c'est très bien. Donc il met en cohérence son discours avec ses actes, et il permet à la France, comme ça, de ne pas subir un peu tous ces délires. On en a déjà suffisamment, voilà, qui restent pour... Alors, il encourage d'ailleurs pas mal de gens à partir pour rejoindre l'Afrique. Et en cela, donc, il devrait être le copain de Zemmour. Mais malheureusement, ils ne s'entendent pas très bien les deux. Et donc, il vit la plupart du temps en Afrique. Mais parfois, il revient en France quand même. Et là, par exemple, il était interviewé par Thinkerview, il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc ça, c'est incroyable. Donc c'est un grand site qui a une audience énorme, fait plusieurs centaines de milliers de vues à chaque fois. Mais vous voyez, ils se permettent d'interviewer un gars comme Kémy Séba, avec son passé, pour pas dire son passif. Mais Jean Robin, non. Vous voyez, Thinkerview, non, ça les intéresse. Jamais intéressé, Jean Robin. Et sa critique du Parti communiste chinois, eux qui viennent de recevoir l'ambassadeur de Chine en France, et qui lui ont littéralement déroulé le tapis rouge, alors, en buvant ses mensonges éhontés. Bref, donc je passe. Et donc, Kémy Séba, le fait qu'il ait tout ce pédigré là, ça n'a pas dérangé tous ces médias qui ont fait sa promotion, ni Thinkerview. Bon, voilà pour une petite présentation. Alors maintenant, je vais passer à la Chine. Quel est son rapport avec la Chine? Alors, si on s'en tient à une déclaration qu'il a faite le 12 avril 2020, on pourrait se dire que Kémy Séba est contre le Parti communiste chinois, puisque c'était une déclaration qu'il a faite suite, vous savez, à des lynchages d'Africains qu'il y a eu en Chine au début de la pandémie de ce qu'on appelle le Covid, le virus du Parti communiste chinois, pardon. Et donc, dans une ville qui s'appelle Guangzhou, vous aviez des Africains qui se faisaient lyncher. Alors, je vous cite une partie de la prise de parole de Kémy Séba. Comme vous pouvez le constater, notre peuple, parce que lui, pour lui, si vous êtes noir, vous faites partie du peuple de Kémy Séba, vous voyez. Je ne sais pas, des Antillais aux Africains subsahariens, au noir qui est né en France et qui a toujours, qui a été acculturé par la culture française, ou le Malien qui est né au Mali, qui a vécu toute sa vie au Mali, pour vous, pour lui, en tout cas, c'est la même chose. C'est le peuple africain. Bon, c'est assez risible, mais c'est comme ça qu'on réfléchit quand on est racialiste. On a ça aussi en France avec les conversanos. C'est qu'un conversano noir, en fait, Kémy Séba, c'est tout. Donc, comme vous pouvez le constater, notre peuple est traité comme un peuple de sous-hommes en Chine. Notre peuple est accusé d'être porteur du Covid-19. Franchement, être accusé par les autorités locales chinoises de Guangzhou d'être porteur du Covid, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Quand on sait officiellement d'où est parti le Covid-19, les Chinois ne sont pas en position morale de faire la leçon à qui que ce soit et de se comporter de cette manière bestiale, barbare, envers notre peuple. Bon. Alors ensuite, il va parler d'oligarchie libérale et capitaliste, on y reviendra. Et il ajoute, notre peuple est aussi opprimé que les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Très fort. Donc lui, c'est un obsédé des Juifs, hein, il faut le savoir. Mais là, c'est pas le sujet. Alors la seule chose qui m'intéresse, ajoute-t-il, c'est la décolonisation. Je vois l'Afrique comme une fédération, une Afrique une et indivisible, capable d'exister en tant que puissance économique, démographique, sociale et culturelle. Et puis, il finit en disant, je m'adresse aux autorités chinoises, on ne va jamais vous forcer à nous aimer, mais on va vous forcer à nous respecter. Donc si dans les prochains jours, les autorités chinoises ne font rien, et surtout les autorités africaines ne font rien, les ambassades chinoises ne vont pas être en sécurité sur le continent africain, les commerces chinois non plus. Je n'appelle pas à la haine, j'appelle à la paix, sans blague. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la justice. Vous ne pouvez pas laisser des gens être traités comme des sous-hommes et penser qu'en retour, on va vous traiter comme des rois. Je n'appelle pas à la violence, mais à l'intelligence. Lorsque quelqu'un se fait marcher dessus, au bout de la sixième fois, on lui coupe le pied, ils finiront par comprendre. Bon, alors quand on lisait ce genre, ou qu'on écoutait plutôt ce genre de déclaration, qui a pas mal circulé à l'époque et qui a été reprise dans certains médias africains, eh bien, on se disait, tiens, Kémy Séba, il est contre le Parti communiste chinois. Il a compris que le communisme chinois déteste les minorités, qu'on le voit avec les Ouïghours, avec les chrétiens, les Tibétains, les Mongols, etc. Et donc, évidemment, les Africains ne font pas exception. C'est une minorité en Chine. Et puis, on se disait que bah, voilà, la colonisation de la Chine en Afrique... ne peut être que dénoncé par un anticolonialiste, par définition, que prétend être Kémy Séba. Eh bien, en fait, non. Ça marche pas comme ça, vous voyez. Parce que le 17 août 2019, donc un peu moins d'un an avant, il était interviewé sur le site russe Géopolitica. Donc la Russie, je rappelle, est un allié stratégique de la Chine communiste. Poutine a félicité Xi Jinping pour les 100 ans du Parti communiste chinois en personne. Donc il y a assez peu finalement de chefs d'État, même Macron n'a pas osé féliciter alors qu'il collabore aussi avec le Parti communiste chinois, mais Poutine, lui, si, il se cache pas, donc c'est les deux faces d'une même pièce. Et donc, voilà ce que dit Kémy Séba dans cette interview donc, du 17 août 2019 sur ce site russe. Donc le journaliste lui demande de toute évidence, les États-Unis, un certain nombre de pays européens, la Chine, luttent activement pour obtenir une influence sur le continent africain. Et la Russie aussi commence à agir activement. Comment préserver la souveraineté et devenir un pôle indépendant fort et dans un monde multipolaire? De plus, ce n'est pas seulement une lutte géopolitique, mais aussi une lutte économique d'influence sur les continents avec la participation de différents pays. Peut-on éviter les attitudes néocoloniales et prédatrices à l'égard des ressources africaines? C'est une longue question. Et donc, Kémy Séba va y répondre ainsi. Bonjour à vous. Alors, je sais pas faire le ton de dictateur africain qu'il emploie chaque fois qu'il parle, mais imaginez-le. D'emblée, nous devons d'être francs. À l'exception de Cuba, toutes les nations qui rentrent en contact avec l'Afrique ne rêvent que d'une seule chose, s'accaparer nos ressources à plus ou moins grande échelle. Donc déjà, première référence à Cuba, donc positive, évidemment. C'est un peu le rêve, l'idéalisation des marxistes du monde entier, Cuba. Alors que les massacres là-bas vont bon train et les libertés fondamentales, on connaît pas. Alors je continue. Les premiers responsables de cela sont nos irresponsables chefs d'État africains qui ne comprennent pas qu'un partenariat avec les étrangers doit se faire sur du gagnant-gagnant réellement. Alors, pour ceux qui connaissent pas trop les éléments de langage du Parti communiste chinois, sachez que gagnant-gagnant, ça en fait partie. Hein. Donc là, ce n'est pas utilisé par hasard. Nos présidents sont des passoires qui laissent tout le monde nous dépouiller. Si on n'a pas des régimes forts, nos terres se feront saigner. Et c'est pour cela qu'à défaut de régimes politiques africains tournés vers les intérêts du peuple, la société civile africaine doit prendre ses responsabilités. C'est la mission de vie de notre ONG, Urgence Panafricaniste, qui déplace des montagnes sur le terrain depuis des années, en luttant notamment intensément contre le néocolonialisme français. Alors ça, franchement, ça me fait rigoler. Parler du néocolonialisme français... alors qu'on est en train d'être viré de tous les théâtres d'opération, encore récemment le Mali. Voilà, c'était en 2019. Mais, bon, voilà, c'est... Alors que... Et vous allez voir ce qu'il dit sur la Chine, justement, c'est ça qui est intéressant, qui est la puissance montante en Afrique. Voilà, donc le néocolonialisme français, mais aussi contre les ONG globalistes, financées entre autres par les George Soros, Donc là, toujours cette obsession des juifs, chargé de propager le néolibéralisme sociétal et économique. Alors là, on va voir vraiment si George Soros propage le néolibéralisme. Les Occidentaux sont les champions du pillage des matières premières dans le monde et à l'échelle globale. La Chine et la Russie sont d'excellents contrepoids géostratégiques vis-à-vis des premiers cités. Ah tiens, là on commence à comprendre qu'en fait, ben, la Chine et la Russie, ça ne le dérange pas. Alors quant aux Occidentaux, certainement parce qu'ils sont blancs, encore que la Russie sont des blancs aussi, donc vous voyez, c'est pas forcément raciste anti-blanc. Mais les Occidentaux, c'est les salauds dans l'histoire. Hein. Ils sont tenus par les Juifs, certainement. Enfin, ça, c'est ce qu'ils prétendent, mais... Ils le prétendent plus trop, là, en ce moment. Ils parlent parfois des sionistes, mais... Il a été, quand même, au tout début de sa carrière, beaucoup plus clair dans ses paroles. Maintenant, il s'est un peu calmé à ce niveau-là, parce qu'il a vu que ça lui apportait pas vraiment de choses positives. Donc la Chine et la Russie savent freiner, dès qu'elles le peuvent, ajoute-t-il, les velléités occidentales à l'échelle internationale. Donc ils voient ça un peu comme des contre-pouvoirs, vous voyez. Et dans le cadre de la théorie de la multipolarité conceptualisée par le camarade Alexandre Dugin, camarade, ces deux nations sont deux maillons vitaux pour l'émergence d'un monde plus équilibré. Formidable. Donc vous avez deux dictatures, hein, avec deux personnes qui sont élues à vie, elles sont même pas élues d'ailleurs, elles sont mises là à vie au pouvoir, parti unique, je crois qu'en Russie, on peut pas dire qu'il y ait plusieurs partis, Navalny croupit en prison, ainsi que tous ses autres opposants politiques, ou alors ils sont en exil, ou alors ils sont morts, mais ainsi que les journalistes, si vous voulez, qui ont osé dénoncer le régime. Donc là, on a deux dictatures vraiment caractéristiques du communisme, puisque la Russie est toujours communiste, même si elle veut faire croire le contraire, mais ces deux nations sont deux maillons vitaux pour l'émergence d'un monde plus équilibré, selon Kémy Séba. C'est formidable. Et ça, c'est la pensée de tous nos gauchistes en France, y compris jusqu'au plus haut sommet du pouvoir. Hein. Macron pense la même chose. Je suis un fervent défenseur de cette philosophie géopolitique, mais celle-ci n'aura de sens que si l'Afrique recouvre sa souveraineté politique, culturelle, économique et spirituelle. Ils viennent dire que la Chine et la Russie sont de très bonnes puissances. Et dans la phrase suivante, il veut que l'Afrique recouvre sa souveraineté politique. Hein. Alors que la Chine surtout, et un peu aussi la Russie, colonise l'Afrique. Mais c'est pas grave. Pour l'instant, nous subissons la violence du colonialisme plurisectoriel. Et c'est là qu'il faut nous rappeler que dès que l'Afrique rentre en ligne de compte dans le débat, les notions de nations résistantes à l'impérialisme deviennent très vite relatives. Hein, le relativisme, ça c'est génial, ça permet de tout justifier. Si les États-Unis et l'Europe sont les champions tout azimut du néocolonialisme et de la spoliation des richesses des peuples du monde, la Chine et la Russie sont certes bien moins pires que les Occidentaux dans le pillage, mais ne sont pas non plus exempts de tout reproche quand il s'agit de l'expropriation de nos matières premières. Alors voilà, c'est la seule critique que vous verrez, alors que franchement aujourd'hui, la Chine est 100 fois plus, 1000 fois plus pilleur de richesses de l'Afrique que la France ou même l'Europe. Mais bon, tout est une question de graduation, de rapport de force et de politique du moins pire, dit Kémy Séba. Aujourd'hui, la Chine gagne beaucoup en Afrique. Ses citoyens ont parfois des comportements complètement déplacés vis-à-vis des Africains, sans blague. Alors, ce qui, à mes yeux, mérite la pire des répressions. Mais, voilà, est-ce qu'il aurait dit un mais par rapport à la colonisation française ? Non, j'en doute. Mais personne ne peut nier que, contrairement à l'oligarchie occidentale, la Chine nous aide à créer un certain nombre d'infrastructures vitales pour nos populations. Et leur présence est globalement bien moins pire que la présence occidentale. L'honnêteté intellectuelle doit nous pousser à le reconnaître. Quasiment idem pour la Russie. Alors il ajoute, c'est là le plus intéressant, « Ce n'est un secret pour personne que la Russie, tout comme Cuba ou l'Iran auparavant, me soutient logistiquement dans ce combat contre le néocolonialisme occidental. » Voilà, donc là, comme Soral l'avait déclaré au sujet de l'Iran, dans une déclaration qui avait fait couler beaucoup d'encre, Kémy Séba reconnaît qu'il est un agent de l'étranger. Alors, si je comprends bien le français, ce n'est un secret pour personne que la Russie, tout comme Cuba ou l'Iran auparavant, me soutient logistiquement. Mais ça, il a le droit apparemment. Les autres n'ont pas le droit de recevoir du soutien étranger, ce sont automatiquement des agents. Mais lui s'en targue publiquement dans une interview. Donc on sait pour qui roule Kémy Séba. Il vous le dit, la Russie. Et la Russie, c'est l'allié de la Chine communiste. Ah, peut-être roule-t-il aussi pour la Chine communiste en direct, mais il ne le dit pas, j'en sais rien, en tout cas ça revient au même. Voilà, voilà votre résistant en carton-pâte. De ce fait, conclut-il, le soutien de toutes celles et ceux qui veulent la fin de la domination française et occidentale en Afrique est le bienvenu, vous voyez ? Parce que lui, il roule pour un autre, c'est tout. Mais il roule pas pour les Africains, il roule pour la Russie. Voilà, franchement. Mais cela ne nous enlèvera jamais notre lucidité sur la nature réelle de nos partenaires. Ah, bien sûr. Bon, donc, on voit bien la contradiction de Kémi Séba, qui se dit d'une part pour la décolonisation. La seule chose qui m'intéresse, c'est la décolonisation, dit-il. Et d'autre part, il ne dénonce pas le pire colonisateur de l'Afrique aujourd'hui, à savoir la Chine communiste, qui est bien plus impitoyable que les Français, ou même les Anglais, et qui est en train de s'approprier des pays entiers par petits bouts. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de juifs en Chine ? Je ne sais pas, ça doit lui plaire, ça. Donc, je ne vois pas vraiment d'autres raisons, parce que j'ai fait toute une vidéo sur l'Afrique et le Parti communiste chinois. J'y renvoie ceux que ça intéresse, même s'il faut être souscripteur. En résumé, c'est pas une colonisation militaire, évidemment, mais économique. La Chine pratique la diplomatie des stades, par exemple, en offrant clé en main des stades de foot aux dictateurs africains, ce qui leur permet d'asseoir leur pouvoir. Je doute que Kémi Séba soit favorable à cela, mais je ne l'ai jamais entendu le dénoncer. La Chine récupère aussi un maximum de ressources naturelles de l'Afrique grâce aux nouvelles routes de la soie et par des prêts gigantesques que les pays africains ne peuvent pas rembourser, ce qui permet au Parti communiste chinois de récupérer à moindre coût les ressources naturelles et ensuite de créer un piège à dette qui leur permet de devenir propriétaires de tout ou partie des pays. En tout cas, c'est le but. Ils exportent leur modèle dictatorial des villes intelligentes avec Huawei, ZTE et d'autres, pour permettre là aussi aux dictateurs africains d'asseoir encore plus leur pouvoir dictatorial, donc contre les peuples d'Afrique. C'est comme en France avec Huawei et le pass sanitaire et toutes ces conneries. C'est le même modèle qui est en train d'exporter partout et l'Afrique n'y fait pas exception, évidemment. Mais ça ne dérange pas Kémi Séba, apparemment. Et puis enfin, ils construisent en Afrique des immeubles entiers, le Parti communiste chinois, pour les officiels de chaque pays. Des immeubles qui truffent de micros et de caméras pour savoir tout ce qui se dit. Voilà. Ça, c'est documenté. J'invite Kémi Séba à se renseigner, puisqu'apparemment, il n'a pas l'air d'être au courant qu'il roule pour l'ennemi, en fait, du peuple africain. Il y a d'ailleurs récemment eu une grande manifestation à Paris contre le Parti communiste chinois qui réunissait de nombreux leaders africains. Alors, on n'a pas vu Kémi Séba là-bas. C'est vrai qu'il est le plus souvent en Afrique. Et puis, de toute façon, il soutient l'allié principal de la Chine communiste, la Russie. Donc, il est du côté des nouveaux colonisateurs de l'Afrique, quoi. Et c'est principalement pour des raisons personnelles. Alors que les communistes chinois maltraitent son peuple, comme ils l'appellent, en Chine. Ce qu'il reconnaît et qu'il dénonce. Donc, son idéologie marxiste, puisqu'il dénonce l'oligarchie néolibérale et compagnie, eh bien, c'est le contraire de ce dont l'Afrique a besoin pour devenir plus indépendante, puisque le droit de propriété est très peu développé en Afrique. Et c'est cela qui permet aux êtres humains de se sortir de la pauvreté, de la dictature et des castes, comme on l'a vu en Europe, puis dans le reste du monde. Sauf en Afrique, précisément, où le capitalisme est le moins développé. Il faut lire l'économiste péruvien Hernando de Soto pour le comprendre, et notamment son livre « Le mystère du capital », dont le site Libre Afrique faisait un compte-rendu, c'était le 1er juillet 2011. Alors je vous en lis un extrait, ça permettra à Kémi Séba peut-être de comprendre s'il écoute cette vidéo. Alors Libre Afrique dit « La thèse d'Hernando de Soto, que si le capitalisme a marché en Occident et pas dans les pays pauvres, c'est que ces derniers disposent d'un système juridique encore inadéquat. Les richesses sont là, l'esprit d'entreprise, l'esprit du commerce, l'activité économique sont là, mais alors que les pays riches vivent sous une cloche de verre, avec des institutions juridiques formelles et légales, les gens en dehors de la cloche de verre, à sa périphérie, vivent dans l'extra-légalité, dans l'informel, ce qui tend à rendre leur capital, essentiellement leur maison, mort. Et ce capital mort ne peut libérer l'énergie qui initie la dynamique du développement. De Soto et son équipe ont tenté de mesurer la valeur de ce capital mort. Ils l'estiment à 9 300 milliards de dollars, soit 40 fois les aides au tiers-monde entre 1945 et 2000. Cette extra-légalité constitue un système d'incitation qui ne sont pas propices au développement. Pourquoi les peuples vivent-ils dans l'extra-légalité ? La réponse est que le processus bureaucratique étatique a bien souvent généré d'impressionnantes absurdités en termes d'autorisation d'ouverture de commerce, de permis de construire, etc. Lorsqu'il faut plusieurs années et des dizaines, voire des centaines de démarches administratives coûteuses en temps et en argent pour obtenir une autorisation de l'administration, le calcul est simple, vivre dans l'extra-légalité. Les États sont donc ici fautifs. Il semblerait qu'ils mettent tout en place pour empêcher le processus de développement de se mettre en marche. Cette extra-légalité ne signifie cependant pas une absence de droits ou d'institutions. Il y a en effet des institutions locales pour résoudre les problèmes de conflits habituels. Mais ces arrangements ne sont que de micro-contrats sociaux entre gens qui se connaissent ou des contrats de protection avec des mafias, ce qui ne correspond pas exactement à l'état de droit fondamental au développement. Ces arrangements ne permettent pas à la division du travail de s'approfondir pour permettre ce que Karl Popper appelait la grande société. Car la conséquence de cette extra-légalité est que le capital de ces pays reste pour la plus grande partie inutilisable dans des processus d'hypothèque par exemple. Comment mettre sa maison en gage si on n'est même pas certain qu'elle nous appartient? Quel banquier accepterait un tel marché? L'incertitude juridique qui règne autour des droits de propriété dans l'extra-légalité est une incitation puissante à ne pas véritablement faire fructifier son capital. Sans un système de propriété moderne, le capital reste flou. En cherchant à sécuriser sa propriété privée, les pays occidentaux ont entraîné une conséquence inattendue. Le système de propriété a généré un système de représentation qui a eu au moins 6 effets. Bon, alors je ne vais pas tous vous les lire, ça serait un peu long. En premier lieu, la propriété permet de fixer le potentiel économique des biens. Sans un système de représentation formelle, cette fixation n'est pas possible. En deuxième lieu, un système formel de propriété intègre des informations sur les propriétés jusque-là dispersées. En Occident, le processus qui a permis cette unification, les cadastres, les registres, a pris beaucoup de temps, comme le montre le chapitre sur l'histoire des États-Unis. Mais une fois accompli, on note une corrélation frappante avec l'essor plus rapide du monde occidental. Un troisième effet de la propriété est la responsabilité qu'elle entraîne. Être propriétaire amène une forme d'identification. On peut être poursuivi en cas de non-respect de contrat. La propriété formelle engendre donc des incitations en responsabilisant les acteurs, ce qui permet de répandre la confiance entre les membres de la société, même s'ils ne se connaissent pas. Les propriétés deviennent alors fongibles, et c'est le quatrième effet listé par De Soto. Cela permet des combinaisons de capital, la division des actifs, processus cruciaux au développement d'entreprises. Cette formalisation et les effets qui en découlent déjà permettent ainsi la constitution de réseaux. Ceci est un point extrêmement important. Le progrès économique vient de la division progressive du travail et de la connaissance, c'est-à-dire une mise en connexion du réseau social. Enfin, le suivi des propriétés par un système formel permet de rendre plus sûres les transactions. Si, finalement, je vous ai lu les 6 points. Donc, il faudrait que... Et ça, c'est dans Libre Afrique, vous voyez. Donc, c'est pas moi. Et puis, moi, je défends les peuples et leur indépendance, justement, contrairement à un Kémi Séba. Donc, il faudrait un Kémi Séba libéral, et pas marxiste, pour sortir l'Afrique de sa dépendance au reste du monde. Comme disent les Chinois, d'ailleurs, il vaut mieux apprendre à pêcher qu'à donner un poisson. Pour l'instant, on donne un poisson à l'Afrique. Il faut lui apprendre à pêcher. Et ça, c'est le capitalisme. Et puis, il faudrait un Kémi Séba anti-parti communiste chinois pour sortir l'Afrique du piège à dette dans lequel les communistes sont en train de l'enfermer à jamais, qu'ils soient russes ou qu'ils soient chinois. Et ça, ça risque de leur faire regretter même la colonisation occidentale. Vous voyez, là, pour l'instant, ils pérorent. Mais au fur et à mesure que les pays africains vont tomber les uns après les autres dans l'escarcelle de la Chine communiste, il va de moins en moins pérorer Kémi Séba. Il va être de plus en plus vu comme un traître par ses compatriotes, ce qu'il appelle son peuple. Parce qu'il ne suffit pas de dire que c'est son peuple pour prétendre le défendre. Enfin, il peut prétendre le défendre, mais pour le défendre réellement. Tous les gens qui se disent honnêtes ne le sont pas forcément. Donc, voilà, je fais un peu un point sur Kémi Séba pour vous expliquer pourquoi il y a de l'opposition contrôlée, même s'il vit la plupart du temps à l'étranger maintenant. Mais le destin de l'Afrique, évidemment, est lié au destin de la France et de l'Europe, ne serait-ce qu'en termes d'immigration. Donc pour que les gens se fixent en Afrique, plutôt qu'ils viennent chercher un Eldorado qui existe de moins en moins en Europe, eh bien il faut qu'ils développent le capitalisme et qu'ils se libèrent des forces communistes, notamment chinoises, qui les oppriment et qui les tirent vers le bas. Voilà mon message et j'espère qu'il sera bien entendu. Portez-vous bien, gardez la foi, vive le Christ Sauveur et la Nouvelle France libre. Au revoir.